Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de ce 12 mai 2018. Voici les grands titres de cette édition. C'est la consternation sur la colline Neruhagarikan, commune de Buganda de la province Cibitoke, où 26 personnes ont été tuées dans la nuit de ce vendredi à samedi. Ces terroristes, selon le ministre de la Sécurité qui a fait le déplacement, seraient venus du voisin de l'Ouest, la République démocratique du Congo. Les détails, c'est dans ce journal avec notre envoyé spécial, Aubin Niyonguru. Et la Commission électorale nationale indépendante juge inopportun pour l'instant de décider la prolongation du délai de retrait des cartes d'électeurs. Yarumongue, notre correspondant, nous rapporte que certains électeurs ont manqué leur carte. Dans la chronique agriculture, il sera question de la critique cinématographique avec un expert journaliste burkinabé. Et à la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonsoir, je venais de vous le dire, 26 personnes ont été tuées dans la nuit de ce vendredi à samedi sur la colline Neruhagarikan, commune de Buganda de la province Cibitoke. Le ministre de la Sécurité qui a fait le déplacement, il est arrivé sur les lieux, il dit qu'il s'agit d'un groupe de terroristes qui sera vivement combattu en collaboration avec la République démocratique du Congo, d'où ce groupe est venu. Aubin Niyonguru, envoyé spécial. Sur la colline Ruhagarara 2 et ses environs, l'alerte était au rendez-vous dans la matinée de ce samedi. Les habitants de cette localité avaient passé une nuit blanche suite à l'attaque qui a coûté la vie à 26 personnes. Cette attaque a aussi fait 7 blessés. C'était aux environs de 22 heures que des tirs ont retenti selon un des habitants. Les rescapés confirment que la plupart des victimes faisaient partie d'une même famille. D'autres disent que cette attaque avait été annoncée à l'avance. Les habitants de cette localité ainsi que les hautes autorités qui étaient sur place confirment que ce groupe est venu de la République démocratique du Congo, d'où il s'est aussi replié. Les envoyés du gouvernement étaient sur place. Parmi eux, le ministre de la Sécurité publique, le chef d'état-major de l'armée burundaise ainsi que le secrétaire général du Conseil national de sécurité. Le ministre Alain Guillaume Bunyoni qualifie de terroristes ces malfaiteurs. Il rassure que ce groupe sera combattu. Le ministre Bunyoni a annoncé que le gouvernement va assister les familles des victimes ainsi que les blessés. Leur enterrement a été fixé au mardi 15 de ce mois. Sur la colline Ruhagarara, en commune Rugombo de la province de Cibitoke, Aubin Niyonguru, Radio Isanganiro. Merci Aubin. Certains électeurs de Rumonge ont manqué leur carte d'électeur. Ils demandent d'être servis pour participer aux prochaines élections au Burundi. Léopold Niyonganji, président de la Commission électorale provinciale indépendante à Rumonge, dit que ce sera à la CENI de décider sur ces cas. Jean-Pierre Misago. Il s'agit là de lamentation d'un candidat électeur qui, depuis ce jeudi, cherche sans succès sa carte d'électeur au centre d'enregistrement de Wilimba dans la ville de Rumonge. Selon lui, récépissé dans la main, il faut que sa carte soit disponible pour qu'il ne rate pas les prochains rendez-vous électoraux au Burundi. Léopold Niyonganji, président de la commission électorale provinciale indépendante de Rumonge, dit être au courant de 4 cas sur la colline Kibingo en commune Muhuta, un cas sur la colline Rukinga dans la ville de Rumonge, et le président de ceci de cette province s'emploie à inventorier tous les cas. Il y reviendra donc à la CENI de statuer sur ces cas, selon le président de la CEPI Rumonge, qui rappelle à la population électorale de son ressort que la date limite de retrait des cartes d'électeurs, du moins pour ceux dont les cartes sont disponibles, reste fixée pour ce dimanche 13 mai courant. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI considère qu'il est encore tôt de constater la nécessité de prolonger le délai de retrait des cartes d'électeurs qui expire ce dimanche. Le porte-parole de la CENI dit que de longues files d'attente se sont manifestées dès le début. Prosper Naoguamiye précise que ces cartes sont bien rangées par ordre alphabétique. Il a été joint par Alain Désiré Wokeyeneza. Au début, il y avait un afflux massif de populations qui viennent récupérer leurs cartes d'électeurs. Et à un certain moment, les agents de distribution des cartes d'électeurs ont été débordés. Mais au fur et à mesure que la journée passait, il y a eu fluidité dans la récupération des cartes d'électeurs. Mais qu'à cela ne tienne, la CENI, au niveau des de ses démembrements, suit la question de près. Et des mesures palliatives sont prises au fur et à mesure que la situation évolue. L'évaluation se fait au quotidien. Au niveau de la CENI, nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes et la situation est maîtrisée. Si ces files d'attente continuent à se manifester, vous allez prolonger le délai? Il y a une nette amélioration. Nous évoluons et nous évaluons la situation au quotidien. Nous allons prendre des mesures appropriées par rapport aux cas présents. Bon, il y a une petite confusion. Les cartes sont imprimées par ordre alphabétique. Ce qui n'est pas rangé par ordre alphabétique, et ça a été peut-être une petite erreur de la part de la CENI, ce sont les listes de distribution des cartes d'électeurs. Mais qu'à cela ne tienne, les gens ne viennent pas récupérer les cartes d'électeurs par ordre alphabétique. Ça, c'est la première observation. Prosper Nahouguamie, porte-parole de la CENI. Et les jeunes de différentes tendances politiques de la commune de Ruroro en province Ngozi vivent en harmonie sans se soucier de leurs différences d'opinion. Leur cohabitation pacifique est le résultat des formations dispensées par l'Observatoire Ineza des droits de l'enfant au Burundi, OIDEB. Le représentant de l'antenne Ngozi de cette organisation, Félix Sinda Igaya, a indiqué qu'au début c'était difficile, mais qu'après ils ont changé de comportement et travaillent ensemble dans des activités de développement. Écrire à nouveau l'histoire d'un pays, c'est possible, surtout quand on a de nouvelles sources qui s'avèrent plus fiables. Cela a été dit par le professeur Émile Moroha ce vendredi, après la présentation d'un livre en son hommage intitulé « Un demi-siècle d'histoire du Burundi à Émile ». Le professeur Émile Moroha précise que cet ouvrage pourra apporter une grande contribution à la commission Vérité et Réconciliation. Ce livre a quatre grands axes, dont histoire et culture du Burundi, histoire du temps présent, ouverture sur l'Est africain et la bibliographie d'Émile Moroha. Suivez Émile Moroha au micro de Jean-Marie Vianney, Ngendakumana. On peut écrire à nouveau à condition qu'on ait des éléments nouveaux, convaincants et pertinents, de nouvelles sources d'informations que vous pouvez montrer. Là, on peut toujours revenir. Ce n'est pas seulement Burundi, c'est partout. Une histoire, on peut voir une nouvelle vision. Ça veut dire s'il y a des sources qui s'ajoutent aux sources existantes. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est le parti pris. Il faut accepter la démarche scientifique qui gouverne, si vous voulez, la recherche historique. Professeur Émile Moroha, cet ouvrage vient de sortir au moment où au Burundi, il y a un programme de chercher la vérité et la réconciliation pour que les Burundais puissent se réconcilier. Est-ce que cet ouvrage va aider ce projet de chercher la vérité et la réconciliation? De façon générale, je dirais qu'il y a un chapitre, une partie qui s'appelle l'histoire du temps présent. L'histoire du temps présent, ça veut dire l'histoire de l'évolution du Burundi. Parmi les questions de l'évolution du Burundi, il y a l'histoire du conflit. Il y a donc un chapitre qui s'appelle comprendre le conflit politico-ethnique burundais qui est fait avec les instruments de l'historien, c'est-à-dire les ressources, quelles qu'elles soient, écrites, orales, archives, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un chapitre qui intéresse effectivement ceux qui sont chargés d'analyser la crise du Burundi dans le cadre de la commission Vérité et Réconciliation. Le professeur historien Émile Moroha au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Également dans l'actualité, la commune Nyabikere de la province Karusi vient de passer plus de deux mois sans administrateur communal et la population se plaint de ne pas pouvoir acquérir certains documents administratifs comme les cartes nationales d'identité et les projets de la commune sont aussi en ruine. Cela est confirmé par le président du conseil communal qui dit attendre les décisions des autorités de tutelle comme nous le rapporte notre correspondant Blaise Pascal Kararoumié. Certains des citoyens de la commune Nyabikere de la province Karusi grognent qu'ils ne bénéficient plus de certains papiers comme les cartes nationales d'identité ou bien les extraits de différentes sortes, témoignant leur citoyenneté. Cela fait suite à l'absence de l'administrateur de cette commune de Nyabikere, qui est actuellement locataire de la prison centrale de Mimba de Bujumbura depuis plus de deux mois pour corruption comme chef d'accusation portée contre lui, comme l'indiquent les sources judiciaires. Certains des membres du conseil communal s'inquiètent que la période devient de plus en plus grande sans réalisation des projets de cette commune suite à cette vacance de poste de l'administrateur qui se prolonge. Ce qui est confirmé par le président du conseil communal qui signale que c'est au cours de cette semaine en cours que le gouverneur vient de nommer le conseiller technique comme administrateur pour assurer l'intérim en attendant qu'il y ait élection d'un nouveau administrateur communal. Cependant, la loi communale indique qu'en cas de vacance du poste de l'administrateur communal, le conseil communal procède à l'élection dans les 30 jours qui suivent d'un nouveau candidat qui sera administrateur communal après le décret du président de la République. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Du sport, avant la chronique art et culture, le match qui opposait l'équipe nationale burundaise Intambara Rugamba de moins de 20 ans et le Soudan au stade Rukundo de Ngozi s'est soldé par l'égalisation d'un but partout. Le match retour est fixé le 20 mai au Soudan. Toujours en football, l'équipe nationale burundaise Imbonesa FC des enfants des ex de la rue a été reportée. Les deux matchs déjà joués dans la Coupe du monde des enfants de la rue qui se déroulent en Russie. Elle a battu Indonésie 2-0 et le Brésil 4-1. Le Burundi jouera les quarts de finale demain avec Biélorussie. Radio Isanganiro Chronique. C'est la chronique art et culture comme annoncé. Un expert journaliste burkinabé, responsable de la presse multimédia au FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, nous explique ce que c'est que la critique cinématographique. Le fond et la forme de l'œuvre cinématographique sont analysés en utilisant des outils que Gervais Yann détaille dans cette chronique préparée et présentée par Christian Savier. Pour arriver à faire une bonne critique cinématographique, il faut des méthodes et des outils indispensables, comme un bon background, et bien attaquer le fond et la forme du film, comme nous le dit Gervais Rien, journaliste burkinabé responsable de la presse multimédia au FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il commence par nous définir ici ce que c'est une critique cinématographique. La critique en général concerne la naissance de la critique de cinéma, les activités connexes qui sont autour et la critique de cinéma en tant que telle, qui elle bien sûr est l'appréciation et le jugement qu'on porte sur les œuvres à travers les médias. Des outils sont indispensables pour bien faire cette critique cinématographique. D'abord, c'est en termes de qualité des journalistes là, et même tous ceux qui sont passionnés de cinéma, c'est d'abord d'avoir un background, un bon background en matière de connaissances cinématographiques. Pour ça, il faut aller regarder tous les mouvements qui ont entouré la naissance du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Je peux parler du néo-réalisme, je peux parler de la nouvelle vague, du cinéma indépendant, mais parler également des cinémas peu connus, parler des cinémas, bon, qu'on dit intéressants, peu intéressants, le meilleur comme le pire. Voilà, donc cette passion-là doit vous amener. Mais au-delà, je crois qu'il faut que les critiques ou les journalistes se constituent en collectif à travers une association et qu'ils regardent les films à travers des ciné-clubs et qu'ils débattent. Et tout ça, ça pourra les aider à améliorer leurs connaissances ou du moins le travail de critique autour des films. Gervais Rien précise que le fond et même la forme doivent subir cette critique. Ça prend en compte les deux aspects. C'est important. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez qu'il y a plusieurs sortes de critiques. C'est-à-dire, vous pouvez faire de la critique normative. Et quand vous faites de la critique normative, vous pouvez toucher la forme. Mais vous pouvez faire de l'impressionnisme aussi, où vous parlez à partir de vraiment l'émotion que vous ressentez. Tous ces aspects-là, ils sont pris en compte effectivement. La grille de lecture part du scénario, du sujet, de la mise en scène, de l'interprétation, ouais, du son, de l'image. Voilà. Cette activité aide au développement de l'industrie cinématographique d'un pays, d'après Gervais Yen. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'il fallait faire parce qu'à un moment donné, tous les autres arts ont eu des critiques et qui ont permis à ces arts-là d'être connus et d'exister du reste, au-delà même de les posséder, mais à travers les écrits et les appréciations. On a constitué des archives qui constituent un patrimoine. Dans la prochaine chronique Art et Culture de samedi prochain, Gervais va nous parler du regard que pourrait avoir un cinéaste vis-à-vis de la critique cinématographique. Christian Xavier. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle la grande information du jour. 26 personnes ont été tuées dans la nuit de ce vendredi à samedi sur la colline Ruhagarika, commune Ouganda, de la province Cibitoke. Le ministre de la Sécurité, envoyé du gouvernement du Burundi, qui est arrivé sur les lieux, a dit qu'il s'agit d'un groupe de terroristes qui sera vivement combattu en collaboration avec la République démocratique du Congo, d'où ce groupe est venu. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous, Amit Evotsi, pour la mise en onde au micro Jean Bosco Nduwimana. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent et tout de suite, Francine Ndiokougayo m'en rejoint pour la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, suivant votre zone d'écoute. Nous ouvrons cette revue de presse par ce rappel à l'ordre adressé par le groupe de presse Iwachu à différentes personnes des secteurs diversifiés, acteurs dans la campagne pour le référendum constitutionnel marqué par certaines irrégularités. Dans son éditorial, il note que des jeunes zélés affiliés au parti en lice se sont illustrés par l'intolérance politique en intimidant, en stigmatisant, en insultant et même en tabassant des adversaires d'autres formations politiques. Notre confrère rapporte aussi que certains médias ont joué le deux poids deux mesures en privilégiant quelques acteurs politiques en campagne et en ignorant les autres, malgré qu'ils aient signé un code de conduite des médias en période électorale. Quelques policiers dans certains endroits ont menacé les sympathisants de certaines formations qui battent campagne. Pour le journal Iwachu, une mise en garde doit aussi être donnée à certains administratifs qui utilisent le charroi de l'État dans les meetings, aux fonctionnaires qui désertent le travail. L'éditorialiste d'Iwachu fait remarquer que la diversité des idées et des opinions est garantie par la Constitution et que par conséquent, elle doit être supportée et tolérée. Pour lui, il est urgent de donner des messages forts pour voter dans un climat apaisé à chaque intervenant dans ce processus crucial pour l'avenir du pays de jouer positivement son rôle et notre confrère de conclure que l'histoire nous jugera. Netpress rapporte la sortie médiatique du ministre de la Santé, Dr Thaddée Ndikoumana, qui a indiqué que son ministère reste vigilant sur la propagation de l'épidémie d'Ebola jusqu'à présent localisée en République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur. Il dément ainsi toute information qui fait croire que la maladie est déjà installée dans notre pays. Les femmes appelées à plus de participation dans tous les secteurs. L'ABP, l'agence burundaise de presse, écrit que le réseau des femmes actrices de paix et de dialogue à Makamba appelle les femmes à adhérer dans des groupements et ou associations de développement et à être actives dans la politique pour que leur voix soit entendue pour un développement durable, même si les contraintes ne manquent pas. La responsable provinciale de ce réseau a indiqué que cet organe aide dans la médiatisation des conflits qui peuvent naître sur les collines et sensibilise les femmes à avoir une activité génératrice de revenus pour participer à l'autofinancement de la famille et du pays en général. Les établissements secondaires regorgent de toxicomanes, titre le journal La Voix de l'enseignant. La consommation de la drogue peut être en même temps une cause et une conséquence à l'échec scolaire. En effet, un élève qui consomme de la drogue échoue lamentablement. Ainsi, il abandonne les études et consomme effectivement de la drogue. Aussi, un élève qui échoue peut se tourner vers la consommation de la drogue. La consommation de la drogue provient des fois du manque ou de la défaillance dans l'encadrement des jeunes, aussi bien à l'école qu'en famille. Les parents étant préoccupés par la survie de la famille, les jeunes profitent de cette absence des parents au domicile et à la défaillance d'encadrement pour se tourner vers ces comportements. Ils sont attirés par les pères. Au Burundi, quand le paraître prime sur l'être. La société burundaise se révèle parfois injuste et porte des jugements hâtifs sans aucun fondement logique. C'est le constat d'un blogueur de Yaga. Révolté, il nous confie le témoignage d'un jeune Burundais bardé de diplômes qui a dû s'exiler à cause de sa coupe de cheveux et des préjugés qu'elle a entraînés. Carlos, c'est de lui qu'il s'agit, est un jeune Burundais dans la vingtaine, fraîchement venu d'Amsterdam, après avoir décroché un diplôme de master en informatique robotique et il a l'intention de s'installer au pays de ses ancêtres et faire valoir les compétences acquises en Europe. Son initiative louable et sa bonne foi se verront malheureusement pulvérisées par son entourage, écrit le blogueur, qui rapporte que si les parents de Carlos ne voient aucun inconvénient dans son port de dreadlocks sur sa tête, les voisins, les tantes, les grands-pères et grands-mères se lamentent comme quoi il n'a plus toute sa tête, que c'est un voyou, que son séjour aux Pays-Bas n'aura servi qu'à faire de lui un bon à rien. Le blogueur Doyaga conclut son témoignage en rapportant que Carlos n'a pas eu d'autre choix que celui d'aller s'installer au Rwanda voisin parce qu'il lui a été difficile de concilier son boulot avec les états d'esprit de certains collègues de travail et surtout de ses proches parentés. Ainsi se referme cette revue hebdomadaire de la presse et vous a été présentée par Jean-Bosco Nduimana et Francine Ndiokubgayo. À la prochaine. Revue de la presse.